Donc, bonjour mesdames, bonjour messieurs, et merci une fois encore de votre présence aujourd'hui. Merci d'avoir, certains, bravé les grèves SNCF qui s'annoncent pour rester avec nous aujourd'hui. Donc, avant de donner la parole à chacun de nos invités aujourd'hui, je souhaiterais revenir un instant sur la première séance de ce séminaire Marché en ville qui s'est déroulée le 3 juillet dernier, ici même, à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble, sur le thème des espaces de la marche, pour d'une part tirer quelques enseignements des débats qui ont eu lieu, et pour d'autre part tisser un fil rouge avec la séance d'aujourd'hui, qui, comme vous l'ont rappelé Grégoire Chelkoff et Vincent Michel il y a un instant, pose la question de l'expérience cheminatoire en milieu urbain, et plus précisément de la manière dont cette expérience souvent quotidienne de la ville, et on va le voir souvent plurielle, met en jeu le corps et les sens du piéton. Alors, la première séance de ce cycle, de ce séminaire, organisé par le laboratoire Cresson, a donc été l'occasion de faire état de l'évolution de la pensée sur la marche en ville, dans les milieux de l'urbanisme, de l'aménagement urbain et de la recherche sur les ambiances architecturales et urbaines. Deux bilans peuvent être d'ores et déjà dressés. Dans le milieu de l'urbanisme et de l'aménagement urbain, le renouveau de la pensée sur la marche en ville et plus largement sur les modes de déplacement dits doux se confirme en France mais également en Europe. Ce renouveau tire parti, à l'évidence, des nouvelles préoccupations environnementales et du poids de la thématique de la durabilité dans nos sociétés aujourd'hui. Il semble en outre prendre deux formes. D'une part, une réflexion sur les typologies spatiales, les dispositifs et le mobilier urbain à mettre en place pour donner à ce mode de locomotion une place dans un trafic urbain qui reste saturé et qui reste largement dominé par la voiture. De ce point de vue, la marche en ville constitue donc un instrument de réflexion et de mise en œuvre de la planification urbaine. D'autre part, et là c'est une nouveauté, une réflexion sur la diversité même des pratiques de la marche en ville et sur la nécessité de les prendre en compte pour non pas faire de la marche à pied une pratique que l'on devrait opposer nécessairement à la voiture, mais pour l'inclure au mieux dans une chaîne de déplacement dont on sait qu'elle est de plus en plus multimodale pour le piéton. Alors, la réflexion sur la marche en ville suit à peu près la même évolution dans le milieu de la recherche et notamment dans celui sur les ambiances architecturales et urbaines. Au Cresson, où l'on a rappelé dans cette première séance qu'elle fut un axe fondateur de problématiques, la marche a longtemps été un instrument d'observation, d'analyse et de compréhension des modes d'habiter, de percevoir et de configurer la ville. Elle constitue depuis peu un objet de recherche à part entière. Dans les travaux qui sont menés aujourd'hui, c'est à la multiplicité des pratiques de la marche que l'on s'intéresse, autant qu'aux figures contemporaines de la marche et à leurs conditions de possibilité environnementale. Plus qu'une simple translation physique entre deux points éloignés de l'espace, la marche est finalement appréhendée comme une activité d'ancrage à l'environnement urbain qui, si elle lui est parfois soumise, s'exprime à travers des registres d'action et de perception à l'environnement qui sont variables et qu'il convient peut-être d'appréhender davantage. Ce changement de perspective dans la recherche s'accompagne d'une focalisation nouvelle sur la question de la place du corps, des sensations et des émotions dans la marche, changement de perspective dont on ne peut nier qu'il s'inspire fortement de la réhabilitation que connaissent ces sujets aujourd'hui dans les milieux de la neuroscience cognitive et des sciences humaines et sociales. C'est donc à cette dimension corporelle et sensible, voire charnelle, de la marche en ville que cette seconde séance du séminaire est dédiée. Trois pistes de débat peuvent être d'ores et déjà envisagées avec nos invités aujourd'hui. Première piste de réflexion, quid des techniques du corps, pour reprendre une expression chère à Marcel Mauss, dans les pratiques de la marche en ville, que celles-ci soient d'ailleurs des pratiques solitaires ou des pratiques collectives. Autrement dit, en quoi et comment la marche en ville met-elle en jeu un véritable langage corporel et comment ce langage corporel varie-t-il en fonction des situations, des cultures, mais aussi des configurations spatiales. Seconde piste de travail, si la marche est bel et bien une activité d'ajustement entre les piétons et l'environnement, comment cette activité d'ajustement met-elle en jeu la perception et les sens? Autrement dit, et pour dépasser les approches de la sociologie interactionniste anglo-saxonne, en quoi la marche est-elle, sinon une manière particulière de voir la ville et de se donner à voir en public, une manière de se plonger dans ses odeurs ou ses flux thermiques, de se mettre à l'écoute de l'environnement urbain, de rentrer en contact avec l'environnement urbain. Enfin, troisième et dernière piste de débat, dont vous comprendrez aisément qu'elle est transversale aux deux premières, quid de l'emprise de la ville sur le pas du piéton, ou autrement dit, en quoi et comment l'espace urbain, comme les ambiances architecturales et urbaines, peuvent-elles à la fois angoisser, fasciner, retenir le piéton au point d'en affecter sa trajectoire dans l'espace, son rythme de déplacement, parfois même sa capacité à marcher. Autant donc de pistes de réflexion que nous ne manquerons pas, je pense, d'aborder aujourd'hui avec nos invités, que je suis ravie d'accueillir. Et pour commencer ce matin, mademoiselle Anne Jarigeon, qui est chercheure en sciences de l'information et de la communication au groupe de recherche interdisciplinaire sur les processus d'information et de communication du CELSA à Paris.